السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد وكنتيني سكي دي الشيخ الفوزان حفظه الله الاسبكاسيون دو نواقض الاسلام للشيخ الاسلام محمد بن ابي الوهاب رحمه الله. الى دي خامسا من الاحكام المترتبة على تكفير الكفار البراءة منهم ووجوب الهجرة على المسلم من بلادهم. السنكيمون parmi les choses يعني qui découle du fait qu'on dise que ce sont les mécréants, le fait que les musulmans doivent se désavouer des mécréants et faire les hijra de leur pays. Et ça, c'est une chose très importante. Et c'est pourquoi le cheikh a dit en même temps, parce que c'est impossible de dire qu'on se désavoue d'eux complètement tant qu'on n'a pas fait la hijra. Comme on l'a dit dans le verset, « وَلَيْنَا أَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيَدِي مِنْ جَيْنْ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَلَيْنَا أَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَيَدِي مِنْ جَيْنْ حَتَّى يُهَاجِرُوا. Ceux qui ont dit qu'ils ont la foi, ou ceux qui ont cru, et qui n'ont pas encore fait la hijra, vous n'avez pas, et vous n'avez rien à voir avec eux par rapport à l'alliance, tant qu'ils n'ont pas fait la hijra. C'est-à-dire que les musulmans qui sont rendus à l'islam, ou ceux qui sont dans la religion, dans la foi, ils n'ont pas fait la hijra, et ils n'ont pas complété l'alliance avec les musulmans. Ils n'ont pas complété l'alliance avec les musulmans tant qu'ils n'ont pas fait la hijra. Ça veut dire qu'ils n'ont pas complété non plus le désaveu avec les mécréants. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore complété le désaveu des mécréants tant qu'ils n'ont pas fait la hijra. Et il faut dire que le musulman est là. الذي لا يقدر على إظهار دينه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. Et il est obligatoire pour le musulman, n'a pas la capacité de pratiquer sa religion comme il faut, de partir des pays des mécréants et de faire la hijra vers les pays des musulmans. Bien sûr, quand on dit que il faut avoir la capacité de pratiquer sa religion, les savants disent que c'est pas le fait de prier ni de faire le jeûne, c'est le fait que la personne puisse blâmer ouvertement les mécréants, et blâmer la mécréance ouvertement, blâmer les chrétiens et les juifs, et blâmer le fait qu'ils ont des innovations et des égarements, et dire que ce sont des mécréants. Si jamais, s'il dit ça et qu'on le traite d'antisémite, ou qu'il est poursuivi et pourchassé, ainsi de suite, il ne peut pas parler, il ne peut pas blâmer la mécréance des mécréants. Dans ce cas-là, il ne peut pas mettre en application sa religion. Ce que les gens pensent, que le fait qu'il prie et qu'il jeûne, c'est ça, le fait de mettre à l'application sa religion, c'est pas ça. Parce qu'il a dit, Cheikh Fawzan, dans un autre audio, il a dit que le fait de mettre à l'application sa religion, c'est que la personne puisse blâmer ouvertement les mécréants et blâmer leurs égarements. Non. Et si jamais il ne peut pas faire ça, et bien dans ce cas-là, ce sera obligatoire pour lui de faire la hijra s'il a la capacité. Non. Il a dit, quand le prophète l'a fait, comme hajar al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, aux Sahaba, comme le prophète l'a fait avec ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle les agrée aux compagnons par peur pour la religion. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الشيخ لا يجسيت الفرسي دون كان لا يجي ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes et les anges enlèveront leurs âmes en disant où en étiez-vous. Le cheikh a dit haoulay lina tarakul hijra. Ça, c'est à propos de ceux qui ont délaissé la hijra. Ils avaient dit que ce verset-là, il a été révélé à propos de certaines personnes qui étaient à Mecca, n'ont pas fait la hijra. Et quand les mouchikins sont partis pour faire certaines batailles avec le prophète, contre le prophète Mohammed, ils les ont pris de force et ils les ont ramenés. Parce qu'ils n'étaient pas partis faire la hijra. Et après, ils ont été obligés de combattre avec les mécréants contre les musulmans. Et certains parmi eux ont été tués. Et les anges, quand ils sont venus pour prendre leurs âmes, les ont blâmés. Ils ont dit, qu'est-ce que vous faisiez avec eux là? Et pourquoi est-ce que vous êtes venus avec eux, les mécréants? Pourquoi vous n'êtes pas avec les musulmans? Le cheikh a dit, haoula il a dit, natarakul hijra. Ça, c'est ceux qui ont délaissé la hijra. Ils leur ont dit, Où en étiez-vous à propos de la hijra, et de votre religion? Il a dit, ensuite Allah il a dit, nous étions impuissants sur terre. Ils ont répondu, nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! À exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui n'ont aucune voie, et qui ne trouvent aucune voie. Ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. À ceux-là, il se peut qu'Allah donne le pardon. Et Allah est clément et pardonneur. Il a dit, فَالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُهَاجِرَ فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ. Celui qui n'a pas la capacité de faire la hijra, il a une excuse. Comme il a dit un verset par rapport aux hommes et aux femmes et aux enfants. C'est ce qu'il a dit, Ibn Abbas, il a dit que moi je faisais partie de ceux qui étaient excusés parce qu'ils n'avaient pas la capacité avec sa mère. Et ça, c'est le cas aussi des femmes qui sont seules, qui n'ont pas de mahram pour les accompagner, pour faire la hijra. Donc elles sont excusées, ses amis, et n'ont personne pour les accompagner jusqu'à ce qu'elles trouvent une solution. Il a dit, فَالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُهَاجِرَ فَإِنَّهُ مَعْذُورٌ لَكِنَّ الَّذِي يَسْتَطِيعُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ. Il dit, celui qui n'a pas la capacité, il a une excuse. Par contre, celui qui a la capacité, c'est obligatoire pour lui de faire la hijra. Après, ça veut dire que la capacité, c'est d'avoir les moyens juste de partir. Cheikh Al-Albani, il a dit que c'est à notre époque aujourd'hui, il suffit juste d'avoir le billet d'avion. Il a dit qu'il suffit juste d'avoir le billet d'avion pour partir. C'est ce qu'il a dit, Cheikh Al-Albani. Après, d'autres savants, ils disent que ce qui est obligatoire, le minimum, c'est juste d'avoir les moyens de partir. Après, par contre, ce qui est en plus, ça, c'est pas obligatoire pour avoir les moyens. Non, et ça me dit qu'à la base, la hijra, dans la langue arabe, ça vient du fait que la personne sort d'une petite ville et aille à une grande ville. Dans la langue arabe, ils appelaient la hijra, le fait que la personne déménage d'une petite ville, à une grande ville. Ils disaient à propos de ça qu'elle a fait la hijra. Mais dans l'islam, c'est utilisé pour dire le fait que la personne délaisse ce qui est interdit et aille à un endroit où il y a ce qui n'est pas interdit. Comme le fait qu'elle délaisse un endroit où il y a de la bid'a pour aller à un endroit où il y a de la sunna. Ou elle délaisse un endroit où il y a de la mécréance pour un endroit où il y a l'islam. Ou elle délaisse un endroit où il y a des péchés pour un endroit où il n'y a pas de péché. Comme l'a dit le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Muhajir man hajara ma'anaha Allah anhu. Al-Muhajir man hajara ma'anaha Allah anhu. Le muhajir, c'est celui qui délaisse ce qu'Allah il a interdit. Donc ça, c'est vaste. Ça peut être de la mécréance, ça peut être de l'innovation, ça peut être des péchés en général. Il a dit, فَتَجِبَ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. C'est pas permis pour lui, le cheikh dit que c'est pas permis pour le musulman de rester parmi les mouchikines. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, أَنَ بَرِيءٌ مِنْ مَنْ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. Le prophète a dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se désavoue de toute personne qui s'installe au milieu des mouchikines, C'est-à-dire qu'il vit avec eux. Dans le hadith, il a dit après, لَا تَرَاءَ نَارَهُمَا. Et que même leurs deux feux ne doivent pas se voir. C'est-à-dire que si jamais le musulman il allume un feu et que le mécréant allume un feu, les deux feux ne doivent pas se voir. C'est-à-dire qu'il doit être vraiment loin de lui, le plus possible. Au point où si jamais il allume un feu, et bien son feu ne serait pas vu par le feu des mouchikines. Ça, c'est pour montrer qu'il doit vraiment s'écarter de lui. يجب على الذي لا يقدر على أن يظهر دينه أن يهاجر والهجرة قرينة الجهاد في سبيل الله عز وجل فجاء ذكرها مقرونة مع الجهاد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. Le cheikh a dit que celui qui n'a pas la capacité de mettre en application sa religion, comme on a dit de l'extérioriser, c'est obligatoire pour lui de faire la hijra. Ensuite, il a dit que la hijra, elle est liée avec le djihad. Elle est liée avec le djihad, fils Abdullah, dans le Coran, dans beaucoup de versets. Comme elle a dit dans le verset, Inna lina amanu wa lina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Certes, ceux qui ont cru émigrer et lutter dans le sentier d'Allah, ou laïka yarjun rahmatullah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah. Dans beaucoup de versets, le djihad, il est lié avec la hijra. فالهجرة أمرها عظيم في الإسلام وهي انتقال من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين فرارا بالدين. Chérique, ainsi, la hijra, c'est quelque chose de très important dans la religion. Et c'est le fait de partir d'un pays de mécréants vers un pays de musulmans, comme on a dit. Firanan bid-din. Pour préserver sa religion, pour préserver sa religion. Donc on a dit que la hijra, c'est un savoir, vous voyez que c'est plus vaste que ça. C'est le fait de laisser un endroit où il y a la désobéissance, vers un endroit où il y a l'obéissance, ou un endroit où il y a de la bid'a, vers un endroit où il y a la sunna. Et de laisser un endroit où il y a du shirk, vers un endroit où il y a du tawhid. Tout ça, ça rentre dans la hijra. Et c'est obligatoire pour ceux qui ont la capacité et qui n'ont pas la possibilité de mettre en application leur religion et de l'extérioriser dans le pays des mécréants. سادسا مما يترتب على تكفير الكفار عدم بداءة المشركين والكفار بالسلام قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإن سلموا فقولوا وعليكم. Il a dit que sixièmement, parmi ce qui découle du fait qu'on dise que les mécréants, les koufars sont des mécréants, le fait qu'on ne doit pas les précéder, on n'a pas débuté par leur dire assalamu alaikum, leur passer le salam. Comme le prophète dans le hadith, ne soyez pas les premiers à saluer les juifs et les chrétiens. Ne soyez pas les premiers à saluer les juifs et les chrétiens par le salam. Et s'ils vous saluent, répondez wa alaikum, et sur vous. Donc ils disent qu'on ne passe pas le bonjour en premier aux mécréants. Donc on attend qu'ils disent d'abord bonjour, et ensuite si eux ils disent, on leur renvoie le bonjour. Pareil pour le salam, on leur dit pas salam alaikum, on attend. Et si jamais ils commencent, ensuite on dit wa alaikum. Et ça va inciter une mas'ala par rapport à ça, c'est que par exemple, si dans un endroit, il y a un musulman qui vient et qui trouve un autre musulman avec des mécréants, ils ont dit que dans ce cas-là, c'est possible qu'ils disent assalamu alaikum en visant par là le musulman là qui est seul dans son intention. Donc il dit assalamu alaikum en visant le musulman qui est seul parmi le groupe de mécréants. Et là, il visera le musulman dans son intention. Après, les autres, ils ne sont pas dans son intention. Par contre, s'il n'y a que les mécréants, il ne leur passe pas le salam en premier. Il ne leur dit pas non plus bonjour, pareil, en premier. Il attend que d'abord eux ils disent bonjour. Ensuite, lui, il répond pareil. Non. سابعا ستيما لا يصدرون في المجالس ولا يفسح لهم الطريق قال صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه فلا يمنعون من العبور والمرور ولكن لا يفسح لهم ويقدمون في المرور كما يفسح للمسلم لكن يتركون فيأتون من جوانب الطريق. Septièmement, on ne les laisse pas les premières places et on ne leur ouvre pas non plus le chemin en premier. On ne les laisse pas les premières places dans une assemblée et on ne leur ouvre pas non plus. On ne leur ouvre pas non plus le chemin en premier. Comme le prédit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous les rencontrez sur le chemin, laissez-les prendre le côté le plus étroit de la route. Laissez-les prendre le côté le plus étroit de la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand la personne est conduite, il est dans un chemin, il rencontre un mécréant. Si c'est un endroit où c'est possible de laisser passer les gens ou pas, c'est un endroit où il n'y a pas de priorité, par exemple. Ou sinon, c'est une queue. Ou, comme par exemple, une personne qui rentre dans la file et pour qu'elle rentre, il faut que les gens le laissent passer. Si c'est un mécréant, elle ne la laisse pas passer. Elle ne la laisse pas passer en premier. Elle ne donne pas la priorité. Ça, c'est bien sûr dans un endroit où il n'y a pas de priorité à une personne précise. Mais si c'est un endroit où il n'y a pas de priorité à personne, et que parmi c'est un endroit où on peut laisser les gens passer par courtoisie, comme ils disent, dans ce cas-là, si c'est un mécréant, on ne laisse pas passer. Si c'est un musulman, oui. Mais si c'est un mécréant, non. Et pareil, dans un chemin, si c'est un chemin qui est étroit, et qu'il faut qu'un laisse passer l'autre, eh bien, les musulmans ne laissent pas passer le mécréant dans cet endroit-là. Comme l'a dit le prophète, laissez-les prendre le côté le plus étroit de la route. Tarruhum, ou les forcer même. J'ai dit, faut tarruhum. Laissez-les prendre, ou sinon, forcez-les à prendre le côté le plus étroit. Forcez-les à prendre le côté le plus étroit de la route. Le cheikh l'a dit, on ne bloque pas de passer, on ne bloque pas sur le chemin, on les empêche pas non plus de passer, mais on leur laisse pas non plus le chemin pour qu'ils passent de façon large, et on ne leur donne pas la priorité. On ne leur donne pas la priorité comme on le fait avec les musulmans. Comme on le fait avec les musulmans. Mais on les laisse passer du côté le plus étroit, ihanatan, par avilissement, parce qu'Allah les a avilis. Comme il y a un verset, « Mayyuhini Allahu fama lahum min mukrim »« Mayyuhini Allahu fama lahum min mukrim » Celui qu'Allah a avili, personne ne pourra l'anoblir. Personne ne pourra l'anoblir. Non, mais ensuite, il dit, « Thaminan, adamu tamakunihim min dukhul al-haram al-makki » قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا من خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فلما نزلت هذه الآية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ينادي في موسم الحج أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فمنع من دخول الحرم من ذلك التاريخ ويستمر منعهم إلى قيام الساعة. قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فليس المقصود منعهم من دخول المسجد الحرام فقط بل منعهم من دخول الحرم كله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. نعم لديك huitièmement le fait qu'on ne doit pas laisser rentrer les mécréants à Mecca. On ne doit pas laisser rentrer à Mecca et en général, c'est pas que dans la mosquée, dans Mecca en général, toute la zone du haram Mecca, on ne doit pas laisser rentrer les mécréants dans cette zone là. D'après, c'est le verset dans lequel Allah a dit, selon la traduction rapprochée, ô vous les croyants, les associateurs ne sont qu'impureté, les associateurs ne sont que impureté qui ne s'approchent plus d'un mosquée sacré après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut, de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Cher Ali, quand le verset a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé à Ali, ça c'était en l'an 9, l'année où Abu Bakr est parti faire le Hajj. Le prophète lui-même, il va partir faire le Hajj en l'an 9, parce qu'il y avait des gens qui sont venus à Médine pour se convertir en fait à l'islam. Comme on appelle l'année 9, Sanat al-Wufud, l'année des troupes. Beaucoup de troupes sont venues, beaucoup de tribus sont venues à Médine. Du coup, il n'a pas pu partir au Hajj. Mais il a envoyé Abu Bakr pour faire le Hajj avec les gens. Et quand Abu Bakr est parti, il a envoyé après lui Ali, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, et il lui a dit de rester ces versets-là. Et il a dit aussi de dire pendant le Hajj que plus personne parmi les mouchikines ne fait le Hajj après cette année, après l'an 9. Et que personne ne fait le tawaf en étant nu non plus. Que personne non plus ne fasse le tawaf en étant nu. Parce que les mouchikines avaient l'habitude, avant l'islam, de faire le tawaf nu. Ils disaient qu'ils ne peuvent pas faire le tawaf avec les habits dans lesquels ils ont déshabillé Allah, soi-disant. Donc du coup, ils faisaient le tawaf sans leurs habits. Donc le prophète a interdit ça. Et le fait aussi que les mouchikines font le hajj. C'est-à-dire qu'ils ne doivent plus rentrer à Mecca pour faire le hajj. Ensuite, le cheikh a dit فمنع من دخول الحرم من ذلك التاريخ. Donc, à partir de cette date-là, l'an 9, l'année où Sourate Tauba a été révélée, ils ont été interdits de rentrer à Mecca. Et cette interdiction-là se prolonge jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Cette interdiction se prolonge jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Là, il a dit les mouchikines ne sont qu'une impureté. L'interdiction rapprochée, il a dit qu'ils ne sont qu'impureté. Ça, c'est une impureté, bien sûr, qui n'est pas palpable, c'est pas une impureté matérielle, c'est une impureté immatérielle. C'est-à-dire que leur religion, elle est impure. Donc ils ont une impureté qui n'est pas matérielle, qui est immatérielle. C'est-à-dire que si jamais on touche un mécréant, on ne sera pas sale si on le touche. Ça, c'est lié à leur religion, à leur cœur. Ensuite, le cheikh, il a dit que on ne interdit pas de rentrer à une mosquée. Seulement, plutôt on les interdit de rentrer dans tout Mecca. On les interdit de rentrer dans tout Mecca, dans toute la ville de Mecca. Ça, c'est pas permis, parce qu'il dit voilà, il y a le Masjid al-Haram. Le Masjid al-Haram, dans le Coran, ça englobe tout Mecca. Tasi'an, mima yatarattab ala takfir al-mushrikin wal-kuffar annahu yalzam wali al-amri ikhrajahum min jaziyat al-Arab. لأن جزيرة العرب منبع الرسالة والدعوة فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر غير دين الإسلام فلا يمكنون من سكن الجزيرة العربية بصفة دائمة أما إن أتوا مسافرين لتجارة أو لسفارة أو غير ذلك من المهمات أو استقدمهم المسلمون لعمل لا يحسنه غيرهم فلا مانع من ذلك، إنما الممنوع أن يمكنوا من الاستقرار والتملك في جزيرة العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند موته: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا يبقى في جزيرة العرب دينان. Neuvièmement, le fait que le dirigeant musulman doit faire sortir les mécréants de la péninsule arabique. J'ai dit que parmi les choses qui découlent du fait qu'on dise que les mécréants sont des mécréants et les mouchikines aussi, le fait que les dirigeants musulmans sont obligés de faire sortir les mécréants et les polythéistes de la péninsule arabique. Pourquoi ? Parce que la péninsule arabique, ça c'est l'endroit où la prophétie et la da'wa, le prêche, a eu sa base et sa source. Après, ça va diverger par rapport à savoir qu'est-ce que veut dire la péninsule arabique. Il y a des limitations de cette péninsule-là. Et certains savants disent que c'est l'équivalent de ce qu'il y a entre Mecca et Médine, et peut-être même l'équivalent de l'Arabie et ce qu'il y a autour. Après, ça va diverger par rapport à ça. Jaziyat al-Arab. Il a dit que ce n'est pas permis pour eux de rester dans la péninsule arabique. Pourquoi ? Pour pas qu'il ne reste une religion autre que la religion de l'islam. Dans cet endroit-là. Donc, on ne doit pas les permettre de rester ici, dans la péninsule arabique, d'une façon permanente, Et par contre, s'ils viennent en voyage pour un commerce ou pour un intérêt politique ou autre, ça c'est permis. Ou sinon, si les musulmans les ramènent pour faire un travail ou une chose que personne autre que eux ne savent faire correctement, ça c'est permis, il n'y a pas de mal. Ce qui est interdit, c'est le fait qu'on les laisse s'installer de façon permanente et éternelle, et qu'on leur donne la capacité aussi d'avoir des terres, mais d'acheter des terres dans la péninsule arabique. Il a dit, parce que le prophète a dit, avant de mourir, il a dit, faites sortir les mouchriquins, les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Il a dit aussi, la yabqa fi jaziyat al-arabi dinani. Que deux religions différentes ne doivent pas rester dans la péninsule arabique, c'est-à-dire la mécréance et l'islam. فنفذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصيته صلى الله عليه وسلم فأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأجلاهم. أما إذا دخلوا دخولا مؤقتا لمهمة من مهمات أو لسفارة في جزيرة العرب فلا يمكنون من إزالة شعائرهم ولا يمكنون من بناء الكنائس في بلاد المسلمين، إنما يقصر أمرهم بينهم في أماكن إقامتهم المؤقتة، ولا يظهرون كفرهم في بلاد المسلمين، فينصبوا الصليب ويدقوا الناقوس، بل يكون ذلك بينهم مدة إقامتهم ولا يظهر هذا في بلاد المسلمين. هذا ليس خاصا باليهود والنصارى بل كل المشركين عبدة القبور وغيرهم لا يمكنون من بناء الأضرحة. نعم الشيخ il a dit que Omar ibn Khattab il a mis en application le conseil de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a viré les juifs de Khaybar. Les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique. Ensuite il a dit si par contre ils rentrent de façon délimitée, pour une durée qui est limitée, pour une mission, pour une chose importante, ou sinon pour une raison politique dans la péninsule arabique, qu'on les laisse rentrer pendant un moment qui est limité, on ne leur donne pas la possibilité ni la capacité de mettre en application leur religion et d'extérioriser leur religion. Je vais donner des exemples, comme le fait de construire des églises dans les pays des musulmans où le fait de sonner la cloche dans les pays des musulmans ou le fait de lever et d'extérioriser la croix, de la montrer de façon apparente, tout ça, on ne leur donne pas la capacité dans les pays des musulmans. Ils peuvent mettre en application leur religion, mais de façon privée, pas de façon publique, dans les pays des musulmans. Et il a dit que ça, c'est pas seulement pour les juifs et les chrétiens, mais c'est vaste pour tous les mouchikines. Bel coup les mouchikines, les adorateurs des tombeaux. On ne leur donne pas non plus la capacité de construire des mausolées et des tombeaux et de construire des mosquées sur les tombeaux. Il fallait dire à la oulette des musulmans, au Rahim, voilà, il m'a canon mi bouna il adriha, voilà, il m'a canon mi bouna il messagid à l'al-Kubour. On ne leur donne pas la capacité de construire des mausolées, on ne leur donne pas non plus la capacité de construire des mosquées sur les tombeaux. Fayajibu ala ulati al-Muslimin hadmu hadhihi al-Adriha. Et que c'est obligatoire pour les dirigeants des pays musulmans de détruire ces mausolées, de détruire ces mausolées qui sont construits sur les tombeaux. Fakullu mushrikin la yumakkan min idhar shirkihi fi bilad al-Muslimin. Donc n'importe quel mushrik, n'importe quel polythéiste, on ne lui donne pas la capacité de mettre en application et d'extérioriser son polythéisme dans le pays des musulmans. Alors, ensuite, il a dit. عاشرا مما يترتب على تكفير المشركين والكفار عدم الثناء عليهم ومدحهم ومدحهم لأن الله تبارك وتعالى ذمهم وهم أعداء الله ورسوله فكيف تمدحهم بعد الناس يقول عندهم أمانة وعندهم حسن معاملة ويثني عليهم ويقول المسلمون عندهم خيانة وغش وكذا فنقول المسلمون لو كانوا عندهم لو كانوا عندهم عند بعدهم معاص وغش فهم أفضل أهل الأرض أما الكفار فهم أعداء الله ورسوله ولو كان لهم شيء من الصفات التي يتعاملون بها في دنياهم فلا يجوز مدحهم والله ذمهم إنما يجب علينا أن نذمهم لكفرهم بالله عز وجل. Dixièmement, il a dit qu'il n'est pas permis de glorifier et de faire l'éloge des kuffars. Il a dit que parmi les choses qui découlent du fait qu'on rende les mécréants et les mouchikines, le fait qu'on n'a pas le droit de faire leurs éloges et de les glorifier. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il les a blâmés et il les a critiqués. Il les a critiqués dans le Coran. Donc du coup, on ne peut pas les éloger et faire leurs éloges. Nous. Et il y en a un autre, tabaraka wa ta'ala, dhammahum wa hum a'da'ullahi wa rasoulihi. Ils sont aussi les ennemis d'Allah et de son messager. Comme il y a un verset, man kana adouan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa minkala fa inna Allah adouan lil kafirin. Fa inna Allah adouan lil kafirin. Certes, Allah est l'ennemi des kafirin, des mécréants. Donc on ne peut pas faire leurs éloges alors qu'Allah a dit que dans le Coran que ce sont ses ennemis. Comment est-ce que tu peux faire leurs éloges? Certaines personnes ils disent que ce sont des gens qui sont des gens de confiance et qu'ils ont une bonne attitude et qu'ils ont une bonne façon de faire des actions ou des transactions avec les gens. Ils font leurs éloges. Et ensuite, ils disent que les musulmans, eux, ce sont des tricheurs et qu'ils ont la tromperie, ainsi de suite. Ça, comme il a dit certains parmi les Ikhwan. Ils ont dit qu'on est parti dans les pays musulmans, on n'a pas trouvé d'islam, et qu'on est parti dans les pays de mécréants, on n'a pas trouvé d'islam, mais on a trouvé l'islam, mais on n'a pas vu de musulmans. En disant qu'on a vu les mécréants, ils n'ont pas l'islam, mais ils ont le comportement des musulmans, et que dans les pays des musulmans, ils ont l'islam, mais ils n'ont pas le comportement des musulmans. Ça dit que ça, c'est une parole qui est dangereuse, parce que ça veut dire que la personne favorise les mécréants aux musulmans. Et le fait que la personne favorise le mécréant au musulman. Donc ça, c'est très dangereux, comme disait savant. Et ça peut aller très loin. Donc c'est une chose à éviter. Le cheikh il a dit, « Fanaqul al-muslimun law kanu inda ba'dihim ma'asin wa'ish, fahum afdalu ahli l'ard. » Il a dit que les musulmans, même si parmi eux, il y a des gens qui trichent et qui ont des péchés, ce sont les meilleurs parmi les gens de la terre. Là, ici dans le verset, il a dit, « Wantum al-a'laun in kuntum mu'min. » Vous êtes les plus hauts en degré auprès d'Allah si vous êtes des croyants. Donc, du moment que les musulmans ils sont dans l'islam, ils sont meilleurs que les mécréants, même s'ils ont tous les péchés. Même s'ils ont tous les péchés réunis, les musulmans. Par contre, les mécréants, eux, ce sont les ennemis d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Même s'ils ont des bons comportements avec lesquels ils traitent les gens dans leur dunya. Donc, c'est pas permis de faire leurs éloges alors qu'Allah les a critiqués, les a blâmés. Ce qui est obligatoire pour nous, c'est de les critiquer pareil par rapport à leurs mécréances. Hadi Achar, il a dit مما يترتب على تكفير المشركين والكفار تحريم التشبه بهم في لباسهم وعوائدهم الخاصة بهم والتشبه بهم في عباداتهم أشد. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. Onzièmement, dernièrement, comme dit le Cheikh, le fait que parmi les choses qui découlent du fait qu'on rende mécréants les mécréants et les mouchikines, l'interdiction d'imiter les koufars et de ressembler à eux. Le Cheikh il a dit tahrim tashabbuh bihim fi libasihim wa awa'idihim, le fait que c'est interdit de imiter les mécréants dans leurs habits et leurs habitudes, al-khassati bihim, qui sont propres à eux. Si ce sont des habits qui sont propres à eux, qui sont spécialement connus comme étant des habits des juifs ou des chrétiens ou des mécréants, ce n'est pas permis pour les musulmans de les porter. Même si ça veut dire que leur langue aussi, pareil, si la personne elle a pas besoin de parler leur langue, ce n'est pas permis pour elle de parler leur langue. Après, si jamais il y a un besoin, c'est permis. Par contre, si c'est dans un cadre familial à la maison, ça veut dire qu'à la base, la personne, le musulman, ne parle pas la langue des mécréants s'il n'y a pas de besoin. Par contre, le fait de ressembler et d'imiter les mécréants dans leur adoration, ça c'est le pire, ça c'est encore pire. Le prophète a dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha biqawm fa huwa minhum. Quiconque ressemble à un peuple deviendra un des leurs. Et là, il y a un verset pareil, man tawallahu minkum fa innahu minhum. Celui qui prend un allié parmi vous sera parmi eux. Il sera parmi eux. Et ça veut dire que le fait de ressembler aux mécréants, pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce que si on ressemble à eux à l'extérieur, de façon extérieure, ça va conduire au fait de ressembler à eux de façon intérieure et devenir comme eux. Ça, c'est une des branches du fait qu'on les rend mécréants et qu'on les prend comme ennemis. Ça découle du fait qu'on les rend mécréants et qu'on les prend comme ennemis. Parce que le fait de ressembler à eux de façon extérieure, ça prouve leur amour de façon intérieure. Si jamais le musulman est détesté, il ne les imiterait pas, il ne ressemblerait pas à eux. C'est connu qu'une personne qui déteste une personne, elle va tout faire pour ne pas ressembler à cette personne-là, elle ne va pas l'imiter. Mais si on imite une personne, c'est parce qu'il y a un amour qui est caché quelque part. Il dit « Wa law kana muslim yubghidhum ma tashabbaha bihim fa yajib 'ala al-muslimin an ya'tazzu bi dinihim wa la yatashabbahu bil kuffar. » Ainsi, c'est obligatoire pour les musulmans qu'ils soient fiers de leur religion. Comme nous disons par rapport aux habits, c'est que le musulman ne doit pas avoir honte de porter ses habits, les musulmans. Si les koufars, ils n'ont pas honte de porter leurs habits, les koufars. Certaines personnes, quand ils sont dans un pays musulman, pays mécréant plutôt, ils ont honte de porter les habits des musulmans. Alors que les mécréants, eux, n'ont pas de honte de porter leurs habits quand ils sont dans un pays des musulmans. Ils n'ont même pas de honte non plus de sortir nus. Donc les musulmans ne doivent pas avoir honte de leur religion, ni de leurs vêtements, comme il a dit le Cheikh, yajib al-muslimin an ya'tazzu. Ils doivent être fiers de leur religion. Wala yatashabbahu bil kuffar. Ils ne doivent pas ressembler aux mécréants. Fi malabisihim wa awa'idihim al-khassati bihim. Dans leurs habits, leurs vêtements et leurs habitudes qui sont propres à eux. S'ils ont une habitude qui est propre à eux, une chose qui est propre à eux, comme leurs fêtes et leurs différentes adorations, dans ce cas-là, ce n'est pas permis du tout de ressembler à eux. Et le pire dans tout ça, c'est de ressembler à eux dans leur adoration. بأن نحدث في ديننا ما يشبه ما عندهم من البدع مثل المواليد. Et le pire, c'est qu'on ressemble à eux dans leur religion, comme le fait que les musulmans inventent des fêtes dans la religion des musulmans pour ressembler à la religion des chrétiens ou des juifs et à leurs fêtes, comme ils ont fait pour le maoulid. Comme ils ont fait pour le maoulid, ceux qui l'ont inventé, ils ont dit ça, que les chrétiens ont un maoulid qui est la naissance de Isa alayhi salam, Noël, et que nous aussi on veut un maoulid qui est la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont fait la même chose. Ils ont ressemblé à eux. Ils ont inventé cette innovation-là qui est le maoulid. Après, ça, c'est vaste. C'est pas que le maoulid qui est connu. C'est pareil pour les autres fêtes aussi. Que les mécréants, ils ont toutes les autres fêtes. Comme Noël, comme la fin d'année, comme Halloween, qui est bientôt. Et ça me dit que tout ça, c'est interdit pour les musulmans de fêter ces fêtes-là. Parce que, premièrement, il y a des croyances derrière. Et deuxièmement, c'est de ressemblance aux mécréants dans des choses qui sont propres à eux. Dans des choses qui sont propres à eux. C'est connu que Halloween, c'est une fête qui est propre à eux et qui est une fête inventée qui a des croyances derrière. Il y a des croyances derrière. Il y a plusieurs croyances derrière. Donc la personne qui est musulman, qui est musulmane, elle doit vraiment éviter ça le plus possible et doit éviter le plus possible de ressembler aux mécréants de façon générale. Non, il a dit بأن نحدث في ديننا ما يشبه ما عندهم في دينهم ما عندهم من البدع مثل المواليد. هذا تشبه الكفار الذين يحتفلون بمولد عيسى. الشيخ a dit que le maulid, c'est une ressemblance aux mécréants. C'est une ressemblance aux mécréants qui fête la naissance de Isa alayhi salam, qui est Noël. فنحن لا نتشبه بهم في عاداتهم وعباداتهم وملابسهم الخاصة بهم. Donc nous n'avons pas ressemblé à eux dans leurs habitudes et leur adoration et leurs habits qui leur sont propres. Ensuite le cheikh il a dit من الأمور المباحة من المنافع المشتركة فيجوز لنا أولا أن نتعامل مع الكفار بالتجارة فنبيع ونشتري منهم. Le cheikh il a dit, parmi les choses qui sont permises, parmi les intérêts mondains, le fait que, premièrement, on fasse du commerce avec eux, le fait qu'on fasse du commerce avec les créants, qu'on achète, qu'on vende avec eux. Et ça, c'est permis, comme le prophète l'a fait, sur le sol d'homme, avec les juifs de Médine. Ensuite, il a dit, حفظه الله, ثانياً, أن نستفيد من خبراتهم ونستأجرهم للقيام بأعمال ليس عند المسلمين من يقوم بها. لا نستأجرهم ونطلعهم على أمورنا الخاصة. كأن نتخذهم وزراء أو مستشارين, إنما نستأجرهم لأعمال يقومون بها وهم بعيدون عن سر المسلمين كالمباني والمصانع. نعم. Deuxièmement, c'est permis de profiter de leur expérience et de leur science et de les engager pour faire des actions pour lesquels on n'a personne parmi les musulmans pour le faire. Mais comme il dit le cher, si jamais on les engage, on ne leur donne pas des secrets par rapport à ce qui est propre aux musulmans, ou des choses confidentielles aux musulmans, comme le fait de prendre comme ministre ou comme des conseillers, ainsi de suite. Non, il a dit, on les prend seulement pour travailler, on les engage pour travailler, mais il faut qu'ils soient loin des secrets des musulmans, comme pour la construction ou pour la fabrication dans des usines, ainsi de suite. Ayyub al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam istayara kafiran yadullu ala tariq fi safari al-hijrati fastayara Abdullah ibn Arinqit yadullahu ala tariq liannahu kana hadiyan wa khirriyan fanastafid min khibaratihim bishart an la numakkinahum min asrarina wa min bitanati amrina. Non. Il a dit que le prophète Mohammed, quand il est parti à Médine pendant la Hijra, il a pris une personne parmi les mécréants qui s'appelait Abdullah ibn Al-Inqrit pour qu'il monte au chemin. Parce que c'était quelqu'un qui connaissait bien le chemin, qui guidait les gens pour qu'il trouve un chemin caché que personne ne connaît. Donc il a dit que c'est permis de profiter de leur expérience et de leur science à condition qu'on ne leur donne pas nos secrets qui sont propres aux musulmans. ثالثا يجوز أن نعقد معهم المعاهدات إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة وصالح المشركين في الحديبية. Troisièmement, c'est permis de faire des ententes de paix avec les kuffars s'il y a dans ça un intérêt pour les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un pacte et des pactes avec les juifs de Médine, comme Bani Qurayza, Bani Nadir, Bani Qaynuqa', les trois tribus de Médine. Il a fait un pacte aussi avec les mouchikines pendant Hudaybiyah l'an 6, comme quoi ils ne devaient pas se combattre pendant plus de 10 ans. Mais bien sûr, ils n'ont pas tenu leur pacte, ils ont trahi le pacte. Mais en tout cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un pacte avec eux. Donc ça, ça prouve que c'est permis. فإذا كان للمسلمين مصلحة أو أن المسلمين لا يستطيعون قتال الكفار فيتجوز معاهدتهم ومهادنتهم ومصالحتهم لما في ذلك من مصالح المسلمين لما في ذلك من مصالح المسلمين. نعم يعني que si jamais les musulmans ont intérêt de faire un pacte avec certains mécréants ou qu'ils n'ont pas la capacité de faire le jihad, de combattre les mécréants, c'est permis de faire un pacte de paix ou un pacte d'entente et une trêve. Un muhadana, c'est une trêve, c'est-à-dire que les deux pays tombent d'accord sur le fait qu'on ne peut pas se combattre pendant une durée précise. Certains savants disent que ça peut aller à plus de 10 ans. Certains savants, comme l'a dit Cheikh Othaymine, certains parmi les savants disent qu'il faut que ce soit minimum ou maximum 10 ans, maximum 10 ans, pas plus de 10 ans. D'autres savants ont dit que ça peut aller à plus que 10 ans. Après, Cheikh Othaymine a dit que c'est permis pour les pays musulmans, si jamais ils voient qu'ils n'ont pas la capacité de combattre, de dire qu'ils font un pacte avec les mécréants pendant une durée. Ensuite, s'ils voient qu'ils ont la capacité, ils peuvent annuler ce pacte-là, mais ils leur disent qu'ils ont annulé le pacte et ensuite les combattre. Ensuite, les combattre, comme elle a dit dans le Coran. فَإِمَّا تَخَفَنَ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors ce pacte que tu as conclu avec eux, d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Donc si jamais les musulmans ils voient qu'ils peuvent combattre, après ils peuvent annuler le pacte et combattre un pays. Mais sinon, c'est permis, comme l'a dit Cheikh Othaymine, de faire un pacte et une trêve, de dire qu'on ne va pas combattre un pays un tel pendant une durée, et ça peut aller à plus de 10 ans, comme l'a dit Cheikh Othaymine. Ensuite, il dit « Rabi'an, yajuzu an nukafi'ahum idha ahsanu ilayna. Qala ta'ala, la yanhakum allahu annalina lam yuqatilikum fi din, lam yukhayyukum min diyarikum antabarruhum batuqsitu ilayhim. Inna allaha yuhibbu al-muqsitin. » Donc c'est permis de rendre aux kuffar le bien qu'ils nous ont fait et d'être bon avec eux. Comme elle a dit dans le verset, selon la traduction rapprochée, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car certes, Allah aime les équitables. Donc ça veut dire que ceux qui ne nous ont pas combattu, qui ne nous ont pas expulsés parmi les mécréants, c'est permis d'être bon avec eux, de leur faire du bien et de leur envoyer l'appareil quand ils font du bien aux musulmans. Et la fa'alou jamila. فإذا فعلوا جميلا مع المسلمين فالمسلمون يردون الجميل ويكافئونهم وليس هذا من باب المحبة وإنما هو من باب المكافأة. الشيخ لجي شيخ فوزان si jamais ils font une bonne chose et du bien aux musulmans, c'est permis pour les musulmans de faire du bien en retour, et ça c'est pas partie de l'amour, c'est pas partie de l'amour de la religion, c'est min bab al mukafa, ça rentre dans la récompense et dans le fait de remercier les mécréants par rapport à ce qu'ils ont fait. الوالد الكافر يجب على ولده أن يبر به من غير أن يحبه. Le père qui est mécréant, si jamais musulman a son père qui est mécréant, c'est obligatoire pour son enfant, c'est wajib pour lui d'être bienfaisant et être bon avec son père sans qu'il aime sa religion. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الآية من الفرسي عز وجل سورة الطريق الرابوشي. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a porté en subissant pour lui peine sur peine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi que envers tes parents et vers moi et la destination. Et si tous deux te forcent à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas et reste avec eux ici-bas de façon convenable et suis les sentiers de ceux qui se tournent vers moi ensuite et votre retour. Et alors je vous informerai, de ce que vous faisiez. Donc, le Cheikh l'a dit, فيجب على الولد أن يحسن إلى والده ولو كان كافرا لكن لا يحبه من قلبه. Il a dit que c'est obligatoire pour l'enfant d'être bon et yani, vertueux envers son père et sa mère, même si ce sont des mécréants. Par contre, il n'a pas aimé sa religion. Il a dit, la preuve, c'est le verset dans lequel il a dit à Zawiyal, « La tajidun qawma yu'minun billahi wal yawmil akhiri yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum ou abna'ahum. » Comme il a dit dans le verset, selon la tradition rapprochée, « Tu ne trouveras pas parmi ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ou alliés ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, Il a dit, « Falmawaddatu shay, walmu'amalatu alhasanatu shay'un akhar. » Ainsi, le fait d'avoir l'amour et la compassion pour eux et pour leur religion, ça c'est une chose, et le fait d'être bon avec eux et de bien agir avec eux, c'est une autre chose. C'est pas la même chose. وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر وهي مشركة تطلب شيئا من المال فجاءت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له إن أمي جاءت وهي راغبة أي راغبة في الصلة فأصلها قال نعم سلي أمك قال نعم سلي أمك. Le cheikh a dit que la mère de Asma bint Abi Bakr, Asma la fille d'Abi Bakr, la sœur de Aïcha, qui a sa mère qui était Mouchilika, qui n'était pas une musulmane, elle est venue voir Asma, la fille d'Abi Bakr, qu'Allah les accueille tous, et elle lui a demandé une aide financière. Ensuite, Asma, elle est allée interroger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ça. Et elle lui a dit, est-ce que je dois lui venir en aide et est-ce que je dois garder le lien de parenté? Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, na'am. Il a dit, oui, c'est lui, Ummaki, garde le lien de parenté avec ta mère. الشيخ الأجي شيخ فوزان حفظه الله فأمور الدنيا والمعاملات التجارية والمكافآت والتبادل بين المسلمين والكفار في المصالح التي لا تمس الدين كذلك التمثيل الدبلوماسي في السفارات لا بأس به الشيخ الأجي que les affaires mondaines et les transactions commerciales et le fait de remercier et de récompenser et d'avoir des échanges entre les musulmans et les mécréants dans les intérêts qui ne touchent pas la religion et les représentations diplomatiques comme c'est le cas dans les ambassades et ainsi de suite, la yifala sabihi, il n'y a pas de mal dans ça parce que ça n'a pas de lien avec la religion, ça ne touche pas la religion. La yifala mushikun yursiluna ila nabi sallallahu alayhi wa sallam al-rusul wa yatafaduna ma'ahu wa yadkhuluna alayhi wa huwa fil masjid fa yatafaduna ma'ahu fa hadhi umurun ليست من الموالاة إنما هي من المصالح المباحة بين المسلمين والكفار. نعم الشيخ الذي شرفزان que les mouchikins, les polythéistes, les mécréants, ils avaient l'habitude d'envoyer des messagers et des ambassadeurs vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est arrivé en l'an 8 quand beaucoup de tribus sont venues, sont converties à l'islam. Il rentrait dans la mosquée et négociait avec lui. Il parlait avec lui dans la mosquée. Donc ça, c'est l'équivalent, comme l'a dit Cheikh, de ce qu'il y a dans les diplomaties entre différents pays, musulmans et mécréants. Il a dit que ces choses-là ne font pas partie de l'alliance. Avec les mécréants. Ça fait partie des intérêts qui sont permis entre les musulmans et les mécréants. Il a dit que c'est obligatoire de faire la différence entre les deux, entre ça et ça, entre ce qui est intérêt mondain et ce qui est alliance et désaveu par rapport à la religion. Certaines personnes mélangent ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. فمنهم من يقول تجوز مودة الكفار لأن الله أباح لنا تعامل معهم والتزويج أو تزوج من الكتابيات فتجوز محبتهم وعدم تفرقة بيننا بينهم. Certaines personnes disent que c'est permis de prendre comme alliés. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla l'a permis de se marier avec eux, avec les femmes du livre. Et donc du coup, ils disent que c'est permis de les aimer et de ne pas faire la différence entre nous et eux. Il dit hada mufarrit. Il dit que ça c'est du laxisme. Il a dit fi muqabilihi al-mufrit al-ghali alladhi yaqul. Et à l'extrême, il y a celui qui exagère. Et qui dépasse limite et qui dit la yajuzu al-tisalu bil-kuffar. La yajuzu al-tisalu bil-kuffar aslan. La bi-tijaratin wa la bi-sifaratin wa la bi-mukafa'atin bil-ihsan. Il y en a hada min al-mu'ala. D'autres disent que ce n'est pas permis d'avoir des liens du tout avec les mécréants. De façon catégorique, que ce soit par du commerce ou que ce soit par des. Par le biais des ambassades, ainsi de suite, ou que ce soit en les remerciant pour le bien qu'ils ont fait, ou que ce soit en leur faisant du bien, parce que tout ça, ça rentre dans le mu'ala, dans l'alliance avec les mécréants. Ça, c'est comme certains disent parmi les Khawarij aujourd'hui, ils disent que le fait de faire des pactes avec les Nations Unies, les pays des Nations Unies, que ça, c'est des mécréances. Beaucoup de Khawarij aujourd'hui disent ça. Toute personne ou tout pays qui a signé un contrat avec un pays mécréant, ils disent que ce sont des mécréants. Toutes les personnes aussi, tous les pays aussi qui ont signé des pactes avec l'ONU, les pays des Nations Unies, disent que ce sont des mécréants. Et du coup, tous les musulmans qui les suivent et qui sont d'accord avec eux, ils disent que ce sont des mécréants. Au final, il ne reste plus de musulmans sauf eux. Comme c'est connu chez les Khawarij, qui rendent mécréant tout le monde sauf eux. Non, les Cheikh Hadi, Cheikh Fawzan, فنقول له هذا ليس من الموالاة يجب الفرق بين هذا وهذا بين الغالي والجافي فالدين وسط ليس فيه غلول ولا تفريط. Il a dit le cheikh que ça fait partie de l'alliance, ça ne fait pas partie de l'alliance avec les mécréants de faire la différence entre ça et ça, faire la différence entre les deux, et faire la différence aussi entre celui qui est laxiste et celui qui est outrancier et qui exagère et qui est dans l'extrême. Non, mais il dit que la religion est din wasat. La religion musulmane, c'est d'être dans le juste milieu, sans faire d'exagération et sans faire de laxisme non plus. فيجب أن نعرف هذه العلاقات مع الكفار ما يجوز منا وما لا يجوز خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه من يتكلم في أمور الدين بغير علم. Donc, Cheikh Hadi Cheikh Fawzan, حفظه الله, que c'est obligatoire de connaître ses liens avec les mécréants, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, surtout dans l'époque où on vit, où il y a beaucoup de personnes qui parlent dans la religion sans science. أو يتكلم في الدين عن هوى. D'autres personnes parlent dans la religion en suivant leur passion, et ce qu'ils aiment. فيجب على طالب العلم أن يعرف الحكم الشرعي في هذه الأمور. Il a dit que c'est obligatoire pour l'étudiant en science de connaître le jugement par rapport à ces choses-là, le jugement de la religion par rapport à ces choses-là. هذا أمر مهم لأنه يتعلق بعقيدة المسلم. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est lié avec la croyance du musulman. Et là, c'est fini. On va s'arrêter ici, inshallah. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.